Préface des Misérables pour rire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables pour rire, par Ave Mar. Préface. Voulant pour sa Notre-Dame un superbe cardinal, Hugo crée en trait de flamme cet évêque original. Fin de la préface. Enregistré par Ezoie, en Belgique, en août 2010.